parti pour quelques heures. Écrire sur le monde. Exilé dans simulateur. Près de couleurs, trop sable en mouvement. Foncé, trop pressé de plus penser. Cerveau danse, donc on est branché. Sans te défense, plus rien de sensé. Sors dans ma tête, de bouche, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok. Trop de tes questions brusques, beaucoup de pression. Muscle, trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, back. Oppression, attaque, restriction, black. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le pire en face. Pas le prank, salope, casse. Je te demande un minimum de respect. Je calme mes nerfs, joue un BER, tango. Je balance des phrases sur une compo. Je calme mes nerfs, joue un BER, tango. Je balance des phrases sur une compo. Moro. Donne-moi ton père, puis je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Donne-moi ton père, puis je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Fais pas genre qu'on ne va pas le faire. Non, non, non, je t'entends tes billets, lâche-toi. Fais pas genre qu'on ne va pas le faire. Non, non, non, je t'entends tes billets, lâche-toi. Oh ouais. Tu cherches l'amour, pas la mort. T'arrêtes pas de causer du tort. Les peines, mais encore, là t'ignores tous tes efforts. Tour à tour, les deux bords, se ferme et tu te fais des bords. S'il le faut, tu le fais, il est faux, tu le sais. Illico, tu le fais, silicone dans la fesse, une icône dans la presse. Une miche, toi dans la tête, jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, yeah. J'écris sur tout ce que je pense, et voir. J'écris sur pute et son coq, yeah. Et sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde t'avances. Quand c'est ta chair, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, la menthe douce à la moniaque. T'aimes le bandit que je suis, t'aimes la vie que tu me suis. Tu comptes sur mes économies, t'es ma pute que pour aujourd'hui. Puis j'ai fait doubler la mise, père. Bientôt j'abandonne le bis, c'est pas loin. J'prends vis de mer. J'calme mes nerfs, joue un BER, tango. J'balance des phrases sur une compo. J'calme mes nerfs, joue un BER, tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro. Donne-moi ton père, puis je t'appelle.